sont faits, messieurs. Rien ne va plus, départ, monsieur Banquier. L'étoile en plat pour 100 ans, mon collard voit. À moins qu'elle ne ressorte tout de suite. Vous ne connaissez pas la loi de Rogowski sur la répétition cyclique? Non. Moi, si. L'étoile à 50 louis. Eh ben, monsieur, vous avez pas le trac. Moi, vous croyez au barbu. 200 à l'étoile. Étoile, 24 fois la mise, 500 francs. L'as, 250 francs. 3, 50 francs. 22, 25 francs. Ça a l'air comme base. La loi de Rogowski, mon cher. Thank you. We'll be right back.